بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى pour cette assise autour de cet épître de Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى الفوائد المجموعة من اللقاءات المفتوحة. Qu'Allah سبحانه وتعالى le préserve. Et nous sommes avec ce deuxième cours intitulé تبشير العباد بأحكام التوبة للتواب. Il est l'annonce de la bonne nouvelle aux serviteurs d'Allah, aux serviteurs d'Allah des lois du repentant pour le repentir. قال حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علمتم بارك الله فيكم أن حديثنا هذه الساعة عن التوبة، والتوبة في اللغة مشتقة من التوب، وهو الرجوع عن الفعل والقول المسيء. والله تواب والعبد تواب، سمى نفسه سبحانه وتعالى توابا في غير آية من كتابه، كما سمى العبد كذلك توابا، كما سمي العبد كذلك توابا. فتوبة العبد هي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى عما فرط في جنبه نادما عازما على عدم العود إلى ما اقترفه من خطايا. Et donc après la louange à Allah et les salutations du prophète alayhi salatu wassalam, il dit Habibullah ta'ala, vous savez qu'Allah vous bénisse, que notre discours concerne le repentir. At-tawba. Tawba en langue arabe vient du mot taub, qui signifie le fait de revenir sur une mauvaise parole ou un mauvais acte. Allah subhanahu wa ta'ala est tawab, qui signifie il accepte le repentir. Et le serviteur est tawab. Allah s'est nommé tawaban dans plus d'un verset dans son livre. Et le serviteur a été nommé aussi tawab. Le repentir du serviteur, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour les choses où il a été négligent vis-à-vis d'Allah, regrettant cela et ayant la ferme résolution de ne pas revenir sur ce qu'il a commis comme péché. Il dit حفظه الله تعالى وما توبة الله على عبده فهي قبول واعتداد قبولها منه سبحانه وتعالى، فهو يتقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. واعتداد أي أنه يعتد بتوبة العبد فيكفر الله بها سبحانه وتعالى ما مضى من حال العبد من تفريطه وجميع معاصيه الكفر فما دونه. Il dit حفظه الله تعالى quant à التوبة d'Allah pour son serviteur, c'est qu'il accepte le repentir de son serviteur. Il le prend en considération سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération le repentir du serviteur et expie avec le passé où il a été négligent. Et cela concerne tous les péchés, même la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand la personne se repent, il accepte son repentir. Qala habidahullah. وقد وعد الله التائبين نصا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلكم آيات التنزيل الكريم، قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إلتي حفظه الله تعالى Allah a fait des promesses aux repentants dans son livre et par la voix de son messager, alayhi salatu wassalam. Et parmi les versets, ces versets dans Surat Tahrim qu'il a cité, Habidallahu Ta'ala, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, où vous qui avez cru en Allah et en son messager, et qui mettez en application sa législation, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, revenez de vos péchés vers l'obéissance à Allah, en retour, revenez de vos péchés vers l'obéissance à Allah, un retour sans péché, Allah effacera vos mauvaises actions, il vous fera rentrer dans des jardins, dans des palais, il vous fera rentrer dans des jardins sous les palais desquels coulent des ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui ont cru en lui. Ils seront élevés en degré, leur lumière courra devant eux et à leur droite, et ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière pour être guidés vers le paradis et le pardon. Parfume-nous notre lumière pour être guidés vers le paradis et pardonne-nous et cache nos péchés car tu es omnipotent. وقال حفظه الله تعالى أولا أمر الله عز وجل عباده بالتوبة النصوح والخطاب متوجه لأهل الإيمان لأنهم هم المنتفعون بخطابه جل وعلا وبخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا أن تكون هذه التوبة نصوحا والتوبة النصوح هي ما تواطأ فيها القلب واللسان على أمور أسلفناها ولا مانع من أن نعيدها إذ حفظه الله تعالى Premièrement, Allah a ordonné à ses serviteurs de se repentir d'un repentir sincère. Et le message est adressé aux gens de la foi, car c'est eux qui profitent de son message, subhanahu wa ta'ala, et du message de son messager, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, que ce repentir soit sincère. Et le repentir sincère, c'est celui sur lequel concorde le cœur et la langue selon des points que nous avons cités précédemment dans d'autres assises, mais il n'y a pas de mal à les répéter ici. قال حفظه الله وتلكم الأمور أولا ندم العبد على ما فرط فيه من حق الله وحق عباده وحق نفسه كذلك يعني ظلم نفسه الثاني العزم على أن لا يعود إلى ما كان قد اقترفه من ظلم نفسه وظلم عباد الله وما اقترفه من الذنوب والآثام ثالثا وعدهم الله سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فكأن قائلا قال متى قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إلى آخر الآية. Et donc Cheikh commence à citer ces choses qui doivent être contenues dans le repentir sincère. Il dit, premièrement, le serviteur doit regretter les manquements et les négligences concernant le droit d'Allah et concernant les droits d'autrui et concernant le droit de son âme et les torts qu'il s'y commet à lui-même. Deuxièmement, il faut qu'il ait la résolution de ne plus revenir à ce qu'il s'est commis comme préjudice ou ce qu'il a commis comme préjudice sur les serviteurs d'Allah. Et le renoncement, il doit renoncer à ce qu'il a commis comme péché. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui se repentent, comme il est dit dans le verset qu'il a cité, Habidallah, votre Seigneur expiera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins, celui qui coule des ruisseaux. comme si quelqu'un avait posé la question, comme si quelqu'un a dit, cela aura lieu quand? La réponse est venue dans le verset, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui ont cru en lui. وعسى هنا وفي جميع آية التنزيل الكريم واجبة وليست للترجي لأن الله لا يرجو شيئا فهو غني عن خلقه وخلقه كلهم فقراء إليه هم بين خوفه ورجائه اللي حفظه الله تعالى كونسيغنو لومو عسى كي peut se traduire selon les contextes par peut-être. Mais ici, Asa, dans le verset, ne signifie pas l'espoir. Car Allah n'espère rien de personne. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Et toutes ses créatures ont besoin de lui. Les serviteurs doivent être entre l'espoir en Allah et la crainte d'Allah. Ici, Asa, dans le verset, signifie, si la personne se repent à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, Allah lui expiera ses péchés. C'est-à-dire que c'est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui expier ses péchés s'il se repent d'un repentir sincère. Ça ne veut pas dire peut-être. قال حفظه الله وآية أخرى وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية جاء في سبب نزول هذه الآية في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكفروا وزنوا وأكفروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il dit Habidallahu Ta'ala et d'autres versets dans Zumar, et l'autre verset dans Surah Zumar où il dit, dis ô messager à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur détriment et qui ont exagéré dans les péchés, dis-leur, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés à ceux qui reviennent vers lui. Allah pardonne tous les péchés à ceux qui reviennent vers lui repentant. C'est Allah le pardonneur, le très miséricordieux. Il a été rapporté dans les authentiques et dans d'autres recueils de la Sunna la cause de la révélation de ce verset. Selon Abdullah ibn Abbas, des gens de l'association, des polythéistes qui ont exagéré dans les assassinats, dans Zina, etc., sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, ce que tu dis, et les choses vers lesquelles tu appelles, c'est un bien. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il signifie ce verset après avoir accompli les expiations de nos péchés? Ce verset est descendu, sa signification c'est quoi? Il s'agit du verset dans Sourate Al-Furqan qui dit, Et ceux qui accomplissent la religion sincèrement pour Allah, ils n'adorent aucune divinité en dehors d'Allah et qui ne tuent pas les vies qu'Allah interdit, sauf s'ils ont commis ce qui mérite la sentence de la mort, comme le fait d'apostasier ou le fait d'avoir tué quelqu'un injustement. Et donc, le verset qui a fait peur à ces gens-là, c'est ce verset qui dit cela. Des gens qui ont exagéré dans les assassinats, dans le zina, dans la débauche, une fois qu'ils ont expié, qu'ils sont revenus vers l'islam, ce verset est descendu. Il leur a fait peur. Ils sont venus voir le prophète, ils lui ont dit, ce verset-là, il veut dire quoi? Et ceux qui accomplissent la religion sincèrement pour Allah, ils n'adorent aucune divinité en dehors d'Allah, et qui ne tuent pas la vie qu'Allah interdit, sauf si, et qui ne tuent pas les vies qu'Allah interdit, sauf s'ils ont commis ce qui mérite la sentence de mort. Et qui ne commettent pas l'adultère, car quiconque fait ses péchés capitaux sera châtié. À la suite de cette question que se sont posées ces gens qui sont venus voir le prophète alayhi salam, ils sont dit le verset de la sourate Zumar qui dit « Ô messager, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur détriment et qui ont exagéré dans les péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est le pardonneur, il est très miséricordieux. » Regardez l'immensité de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal avec ce qu'ils ont commis. Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir une fois qu'ils se repentent. Et Allah il les a appelés malgré qu'ils ont exagéré. Dans les péchés, Allah il les a appelés mes serviteurs. Qu'on déplaise al-Khawarij et à leurs similaires. وهذا دعاء من الله لكل مسرف على نفسه مفرط في الذنوب والمعاصي أن يقبل على الله بالتوبة وصالح الأعمال إن الله يغفر الذنوب جميعا فالتوبة تجب ما قبلها وتجعل التائب كمن لا ذنب له. Et donc, ceci, il appelle d'Allah subhanahu wa ta'ala le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est l'appel d'Allah fait à tout un chacun qui a exagéré dans les péchés et dans la désobéissance, qu'il s'oriente et qu'il retourne vers Allah par le repentir et par les bonnes œuvres. Le verset dit, Allah pardonne tous les péchés. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés. Et les hommes de science disent, comme dit Cheikh Obeid ici, le repentir couvre tout ce qui l'a précédé et rend celui qui a commis les péchés comme s'il n'a rien fait. Longe à Allah, Azza wa Jal. Regardez cette immensité de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Malgré que la personne a exagéré, a dépassé les limites dans la débauche, dans la désobéissance, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand la personne revient repentant vers lui, il accepte son repentir. Et il couvre et il efface ses péchés, subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله وقد ثبت بالاستقراء ان التوبه النصوحه الخالصه هي ما جمعت خمسه شروط. الشرط الاول الاسلام وان شئت فقل ايمان فلا توبه لكافر حتى يسلم فيشهد الشهادتين. فالكافر حينما يزني أو يسرق أو يقتل أو يسكن أو يسكن لا توبة له من هذه الذنوب لا تقبل توبته حتى يسلم أولا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن كالذي حفظه الله تعالى إلي confirmé par à travers l'étude des textes du livre et de la sunna, que le repentir sincère, c'est le repentir qui réunit ces cinq conditions. La première condition, l'islam. Et si tu veux l'iman, il faut que la personne soit musulman. Le repentir n'est pas accepté du mécréant tant qu'il ne s'est pas soumis à Allah par les deux attestations de foi. Le mécréant, quand il commet ses péchés capitaux, l'adultère, le vol, l'assassinat, fait de boire de l'alcool, il n'a pas de repentir de ses péchés. Ce repentir ne sera accepté qu'une fois qu'il rentre dans l'islam. Et le verset, il est clair, le verset qu'il a cité ici nous dit ceci. Hein? Dans Sourate Al-Furqan, la traduction approximative du verset nous dit « Si nous avons rendu poussière les œuvres de bien qu'ils ont accomplies. » Pourquoi leurs œuvres sont devenues de la poussière? Ils valent rien du tout. Simple. Car l'œuvre ne sert dans l'au-delà qu'avec la foi et la sincérité pour Allah et le suivi du messager alayhi salam. Sans soumission à Allah, sans accomplissement des actes sincèrement pour Allah, sans le suivi du messager alayhi salatu wassalam, aucun acte, aucune parole ne sera acceptée de qui que ce soit. C'est pour ça, peu importe les œuvres de charité qu'accomplissent, les missionnaires à travers l'Inde et à travers l'Afrique, ça leur servira à rien. Puisque ce sont des associateurs, ce sont des polythéistes, pour que ça serve les œuvres, pour qu'ils servent à la personne, il faut qu'ils soient émanés de quelqu'un qui ait la foi en Allah et la foi en tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire, en toutes les choses en lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de croire, et que la personne doit être soumise à Allah. Et il accomplit ce qu'il accomplit au niveau des paroles, au niveau des actes, avec sincérité pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam. Yaqulu hafidhahu Allah, ash-shartu al-thani al-ikhlas, wa dhalikum anna at-tawbata 'ibadatun falaysat mujarrad kalam yantiqu bihi al-lisan wa tataharraku bihi ash-shafatan. فيجب على التائب أن يخلص هذه التوبة لله. والشرط الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن لا يجاوز هذا الحد، ولا مانع أن يعمل أعمالا صالحة يكفر الله بها عنه. فبعض الناس حينما يتوب يغلو، فمثلا إذا تاب من الدخان فإنه يقسم على الله أن لا يعود، وإن عاد فعليه كذا وكذا. لم يأمرك الله يا عبد الله بهذا، دعه تائبا إلى الله عز وجل وهكذا. Il dit حفظه الله, la troisième condition de l'acceptation du repentir sincère, le suivi du messager عليه الصلاة والسلام. Il dit, la personne ne doit pas exagérer et dépasser les limites. Mais il est au moment où il se repent. Mais il n'y a aucun mal que l'individu accomplisse des bonnes œuvres pour Allah. Il n'y a aucun mal que l'individu accomplisse des bonnes œuvres pour qu'Allah lui expie ses péchés. Car il dit, car certaines personnes tombent dans l'exagération au moment où ils se repentent. Il dit, il donne comme exemple, quand la personne se repent de la fumée de cigarette, il jure, si il y revient, il jure qu'il n'y reviendra plus à la cigarette. Il dit, s'il y revient, il s'acquittera de ceci et de cela, et il s'impose des choses. Cher lui dit, Allah ne t'a pas ordonné cela, ô soumis à Allah. Réponds-toi tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Ce qu'il t'est demandé, c'est de te repentir. N'impose-toi, ne t'impose rien. Il t'a pas été demandé de t'imposer des choses. قال حفظه الله الشرط الرابع الندم على ما فرط كما أسلفنا. والشرط الخامس العزم على ألا يعود على ما اقترفه من الآثام. Il dit Habib Allah Ta'ala, la quatrième condition, c'est de regretter les négligences de son passé et qu'il regrette les erreurs, les péchés, toutes les négligences dans son passé. Et la cinquième condition, la résolution de renoncer au péché et de ne pas y revenir. C'est-à-dire renoncer, d'avoir une ferme résolution, une forte intention de ne plus y revenir. يقول حفظه الله وهنا سؤالان. الأول لو كان على المرء معاص عدة فتاب من بعضها دون الآخر فهل تقبل توبته مما تاب منه؟ يقول والجواب نعم، تكون توبته مقبولة مما تاب منه ويبقى عليه ما بقي من آثامه حتى يتوب منها. Et Cheikh il dit, ici il y a deux questions. Il y a deux questions. Il dit la première question, c'est l'être humain a commis beaucoup de péchés. Il s'est repenti de certains péchés et d'autres non. Est-ce que son repentir des péchés desquels il s'est repenti est accepté? La réponse dit Cheikh, oui. Son repentir est accepté des péchés duquel il s'est repenti. Et il lui restera toujours les autres duquel il ne s'est pas repenti jusqu'à ce qu'il s'en repent. La personne a fait beaucoup de péchés. Il s'est repenti de certains et d'autres il s'en est pas repenti. Le repentir qu'il a fait de certains péchés sera accepté et il lui restera toujours les autres péchés duquel il doit se repentir. يقول والسؤال الثاني من تاب من الذنب ثم عاد إليه فهل تقبل توبته لو تركه إخلاصا لله؟ والجواب نعم، ومن شروط هذه التوبة أن تكون قبل قبل حلول الأجل. Il dit حفظه الله la deuxième question, celui qui se repent d'un péché et qui revient à commettre ce péché. Est-ce que son repentir sera accepté s'il le délaisse sincèrement pour Allah? Il a fait un péché, il revient à ce péché. S'il le délaisse sincèrement pour Allah, est-ce que son pardon sera accepté? La réponse dit Cheikh, oui. Oui, et parmi les conditions du repentir, c'est qu'il doit s'accomplir avant que la personne n'arrive au terme de la fin de sa vie, c'est-à-dire avant la mort, avant que l'âme nous monte à la gorge. Il dit Hamidah Allah, wa'lamu ibad Allah, anna al-ajal ajalan, ajalun am, wa ajalun khas. Il dit Habibullah Allah Ta'ala, sachez, soumis à Allah, que le terme de la fin est de deux sortes. Le terme de la fin générale et le terme de la fin spécifique. Le terme de la fin générale, c'est dire la fin du temps, la résurrection. Et le terme de la fin spécifique, c'est la mort de chacun. يقول حفظه الله فالأجل العام أمده طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة وما كان للعبد من عمل صالح أجري له. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فهذا هو الأجل العام في حق جميع العباد. Et il dit حفظه الله تعالى le terme général de la fin, sa limite, c'est quand le soleil se lèvera de l'ouest. Quand le soleil se lèvera de l'ouest, il n'y a plus de repentir. Et les bonnes œuvres qu'avait accompli le serviteur lui seront comptées. Mais il n'y a plus de repentir. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, Allah tend sa main le soir pour que celui qui a commis les péchés durant la journée se repent. Et Allah tend sa main le jour pour que se repent celui qui a commis des péchés la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Cher, il dit, ça c'est le terme général de la fin pour tous les serviteurs. Une fois que le soleil se lève de l'ouest, khalas, c'est fini, c'est terminé. يقول حفظه الله وأما الأجل الخاص فهذا يكون في حق كل امرئ في نفسه ودليله قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر يعني ما لم تقرقع روحه في حلقومه وتحجرج في حلقومه ويقال تقعقع روحه في حلقومه فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة لأنه حينئذ يعاين الملائكة et je dis حفظه الله quant au terme de la fin spécifique de tout un chacun, il dit cela concerne chaque individu. Il dit la preuve dans le hadith authentique rapporté par Tirmidhi rahimahullah, qui a dit « Allah accepte le repentir de tout un chacun tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. » Tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. Il dit « Hamidahullah, cela veut dire que quand l'âme est arrivée à la gorge, c'est fini. Il n'y a plus de repentir pour cet individu. » On comprend quoi de ces paroles? On comprend tout simplement qu'il faut se hâter à se repentir avant l'agonie de la mort, avant que l'âme n'arrive à la gorge. Il faut remédier à une lacune. Il faut, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de cette miséricorde qui est le confinement, faire le point avec nous-mêmes, voir où nous en sommes, et se repentir de nos péchés, de nos mauvais actes, de nos mauvaises paroles, et demander le pardon pour les préjudices qu'on a commis vis-à-vis des autres, et leur rendre leurs droits, si c'est de l'argent ou autre, avant que ça ne soit trop tard. يقول حفظه الله هذه الشروط عامة تشمل حق الله وحق عباده وتزيد التوبة من حق المخلوق شرطا آخر وهو التحلل من المظالم قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فيجب على من كانت عليه مظلمة لعبد من عباد الله سواء كان العبد مسلما أو كافرا أن يتحلله من مظلمته ويؤدي حقه. Il dit حفظه الله ces conditions générales concernant le droit d'Allah et le droit de ses serviteurs. Il dit ces conditions générales de l'acceptation du repentir sincère concernant le droit d'Allah et le droit de ses serviteurs. Mais il y a une condition de plus quand il s'agit des droits des créatures qui constituent à réparer les torts et préjudices commis envers autrui. Il y a une condition de plus quand il s'agit de l'autre. Il faut réparer les torts et les préjudices commis contre autrui et envers autrui. La preuve, le hadith du messager alayhi salatu wassalam chez l'imam Bukhari, qui a dit alayhi salatu wassalam, celui qui a commis un tort ou un préjudice sur un frère, qu'il s'agisse d'une calomnie ou autre, il faut la réparer et demander son pardon avant d'arriver au jour où les sous ne serviront à rien. C'est-à-dire avant d'arriver au jour de la résurrection. Ou ce jour-là, il n'y a plus rien qui va servir. On va payer avec les hasanat. Si on n'a pas de hasanat, on prendra les péchés des autres. Cheikh, il dit, Hamidallah, il est obligatoire à tout un chacun qui a commis un préjudice sur quelqu'un de le réparer ou de demander son pardon, que l'individu envers lequel on a commis un préjudice soit musulman ou mécréant. Il faut s'acquitter de son droit. Hein? Il faut s'acquitter de son droit. C'est pas parce qu'il est mécréant que tu dois spolier son droit. Abedan, obligé que tu t'acquittes de son droit. Qu'Allah récompense notre noble cheikh pour ce rappel et qu'il allonge sa vie dans son obéissance. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Et en conclusion, je rajouterai ceci, en conclusion à cette assise, je rajouterai ceci que dit l'imam Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin, dans le chapitre du repentir. Et c'est à peu près une conclusion, hein, de ce qu'a dit, des conditions qu'a dit Cheikh, Hafidhahullah. Nawawi a dit, le repentir de tout péché est une obligation. S'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur et qui n'est pas lié au droit d'un être humain, ce repentir est soumis à trois conditions. Quand le repentir, c'est vis-à-vis d'Allah, il est soumis à trois conditions. Le renoncement au péché, le regret de l'avoir commis, la ferme intention de ne plus revenir à ce péché. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, le repentir ne sera pas valable. Hein? Il dit, rahimahullah, si le péché porte atteinte à un être humain, les conditions alors seront au nombre de quatre. Les trois précédentes, et une quatrième qui consiste à réparer le tort commis envers autrui. S'il s'agit d'un vol, il faut restituer son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut la réparer ou demander sa grâce. S'il s'agit de médisance, il faut l'en informer et demander son pardon. Il est nécessaire de se repentir de tout péché. Si le serviteur ne se repent pas de certains péchés, son repentir est valable pour les péchés duquel il s'est repenti seulement. Mais il doit se repentir du reste des péchés commis. Les arguments du livre et de la sunna, ainsi que le consensus, sont clairs quant à l'obligation du repentir. Hein, le repentir, c'est quelque chose d'obligatoire. Nous devons nous repentir des mauvais actes et des mauvaises paroles que nous avons commis. Ça, ce sont les trois conditions quant à les actes sont commis vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il se rajoute le quatrième quand il s'agit d'autrui. Et cela n'est rien en contradiction avec ce qu'a dit Cheikh Obeid. Cheikh Obeid a cité les conditions générales, hein, la condition de l'islam, parce que le repentir n'est pas accepté d'un mécréant s'il ne se convertit pas à l'islam. Et aussi, il a cité les deux acceptations de l'acceptation, hein, les deux conditions de l'acceptation des œuvres, qui sont la sincérité et le suivi. Donc ce repentir doit être dans la sincérité et dans le suivi. Donc, les paroles de Cheikh Obeid se rejoignent avec celles de Nawawi rahmatullahi alayhi. Fas Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, arzuqna wa iyyakum tawbatan nasuha. Salut subhanahu wa ta'ala, anj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.